vendredi 13 mars. Vendredi 13. Ça va mal se passer. Ça va bien, Marie-Lou? Non, ça va mal. Je suis nerveuse. Je suis tellement... Superstitieuse? Superstitieuse. Non, c'est pas vrai. Tellement pas, en plus. Oh non, absolument pas. Et d'ailleurs, ce midi, JD, t'as décidé de nous faire la leçon avec la fessée et tout le kit? Peut-être pas la fessée. En tout cas, on prend les appels. Oh, bouh! chérie, t'es là. Ah, bien sûr. Bonjour, chérie. Au milieu du dictionnaire, le petit Larousse, vous avez peut-être remarqué les petites pages roses. Oui, les proverbes. Oui, je les aime bien. Les proverbes et les citations aussi, on peut en lire des traits philosophiques. Et je vous donne quelques exemples. L'imagination est plus importante que le savoir. Qui a dit ça? Albert Einstein. Okay. C'est sa citation. Ayez le culte de l'esprit critique. Citation de Louis Pasteur, qui était chimiste. Mais c'est vrai qu'avoir l'esprit critique, c'est une base de notre société. D'ailleurs, les universités misent beaucoup là-dessus. Oui, et malheureusement, les résultats ne suivent pas toujours. Non. Et je vous l'annonce, dans l'édition 2011 du Petit Larousse, on pourra lire la citation suivante. Dieu n'existe probablement pas. Cessez de vous inquiéter et profitez de la vie. Citation d'un grand sage, un autobus dont c'est transport. Ah bon, un applaudissement. Bravo. Bravo. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi OC Transport refusait d'afficher cette publicité-là en disant que ça pouvait choquer des gens. J'en reviens pas. Ça bloquait au conseil de ville. Ouais, ben là, finalement, les deux tiers des élus ont décidé que, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée ça, mais il a fallu que Montréal aide l'avant. Ben absolument. Puis la nouvelle est tombée hier, puis ça a soulevé beaucoup de passion. Ça va encore en soulever, je suis pas mal sûr, parce que c'est un des quatre sujets qui chatouillent le plus, hein. Le sexe, la politique, le rapibus et évidemment la religion. Ça va toujours chatouiller un peu. Et il faut dire une chose, au-delà des guerres du fondamentalisme, des croisades du passé, il y a quelque chose qui unit tous les croyants, c'est la foi. On dira ce qu'on voudra. Oui. Qui croient en Dieu, en Bouddha, que tu crois en n'importe quoi, René Angélil, la foi. Ils font partie de la gang de ceux qui croient, believer. Crée-moi pas. Do you believe? Ouais. Sauf qu'arrivent les troubles fêtes, les athées. Oh, les méchants athées. Les méchants athées qui croient en rien, ou plutôt rien de précis, à tout le moins. Ils sont un petit peu comme les ados des religieux, un petit peu. C'est les rebelles? Ouais, tu sais, ils vivent au jour le jour. Je fais quelque chose juste si ça me tente. Je sors à soir, puis je te dis pas à quelle heure que je reviens. Bref, la liberté. Exact. Et jusqu'à récemment, le problème des athées était que, contrairement à plusieurs groupes ou plusieurs lobbies aux États-Unis, entre autres, ils étaient pas vraiment organisés. Il y avait pas vraiment de groupe de représentation, si on veut. Il y avait l'aile ultra-religieuse aux États-Unis, mais évidemment pas l'aile des ultra-non-croyants. Et ça a toujours nuit. Et là, comme un chien dans une allée d'église, les athées arrivent dans plusieurs panneaux publicitaires. Ça a été le cas à Londres, entre autres. Et cette nouvelle pub qui dit « Bienvenue en 2009 », époque où on doit accepter les athées parmi le paysage des croyants. Et ce sera pas facile. Ce sera pas facile dans un monde où la non-croyance est souvent vue comme une maladie. Aux États-Unis, entre autres, là, si tu te fais traiter d'athée, c'est très insultant. Et sais-tu combien d'athées on est au Québec? Je le sais pas. 400 000. C'est incroyable. Ouais, on a 400 000 athées au Québec. C'est quoi, à peu près 7-8% de la population? Ben, à peu près, mais peu importe. Ça, c'est des gens qui ont accepté de dire lors du recensement ou de Statistique Canada, je me souviens plus. Statistique Canada, je crois, de cocher la religion, puis eux autres ont choisi volontairement d'écrire athée. Alors, c'est ceux qui ont fait leur coming out, finalement. Ouais, c'est ça. Ils sont sortis du garde-robe. Il y en a peut-être plus que 400 000. Fait qu'on dise que c'est des marginaux. Ouais. Pas tant que ça. Ben, on est quand même une gang, puis quand je dis on exclut la personne qui parle. Je reste neutre, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut dire que le message est quand même baveux sur les autobus, hein, parce que c'est, écoute, comme plusieurs ados, ils choisissent l'affront. Ils disent pas, par exemple, je ne crois pas, mais ils disent, il n'a même pas Dieu, passe-moi ton char, tu sais. C'est un peu de cette façon-là que le message est fait. Je suis pas d'accord avec toi. Ah non. Ben non, parce qu'ils disent pas que Dieu existe pas, ils disent que Dieu n'existe probablement pas. Et retourne dans ton fameux dictionnaire avec les petites pages roses, va dans la section de P, et probablement fait référence aux probabilités mathématiques. Et là-dessus, on ne peut pas s'ostiner. Non. Il est possible, on peut pas prouver hors de tout doute mathématique que Dieu a existé ou existe. Puis scientifiquement, ça se prouve pas. Exact. Cependant, donc là-dessus, il y en a qui trouvent que la science est une sorte de religion. Et là, je parle pas de la scientologie. Mais de dire que tout ça se passe dans la ville où Stephen Harper habite, je dois dire que je trouve ça encore plus rigolo. C'est vrai. C'est assez drôle. D'ailleurs, mes sources me disent que la ville a envisagé prolonger artificiellement la grève d'OC Transpo pour éviter tout ce problème-là. Ah, mais ça serait une façon de solutionner la patente. Ouais. Et je vais conclure avec ça. Rappelez-vous tous les événements graves, comme les croisades, les guerres et tout ça, dont la religion était un des ingrédients principaux, au risque de faire philo à Saint-Saëns. En pensant à tous ces drames-là, quand tu lis « Dieu n'existe probablement pas, cessez de vous inquiéter et profitez de la vie », on peut presque y voir un message de paix. Quand tu y penses. Ben oui, certain. Alors, arrêtez de vous casser la tête, c'est ça que ça dit. Arrêtez de vous casser la gueule. Ben certain, arrêtez de vous taper sa gueule en disant que mais c'est mon Dieu qui me dit de... Alors, lâchez vos problèmes, allez prendre une marche avec votre chien. Allez prendre une bière. Et en passant, votre chien, lui, croit en vous. Ce que vous devriez faire également, d'ailleurs. Oh, c'est beau, ça, quelle belle morale. Et deuxième morale, si ça prouve une chose, on s'est rendu compte que la majorité des gens, peu importe leur religion, croient encore plus en une chose, la pub.